tous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Joly, qui est chercheur rattaché au centre Marc Bloch et qui va intervenir, l'intitulé de son intervention est « Individus et société, regard croisé du régime conceptuel en sciences sociales ». Donc Marc Joly a notamment publié en 2012 « Devenir Norbert Elias », qui était issu de sa thèse, et a également travaillé sur Freud avec un livre à la découverte, il me semble, oui, sur « Au-delà de Freud » qu'on vous a fait passer. Je vous en prie. Donc c'est un texte d'Elias que publié que j'ai édité enfin, en particulier un manuscrit inédit sur Freud que j'ai édité parce que c'était pas publiable en l'état, quoi. Il a fallu le décomposer, le recomposer, enfin, bon, bref, et le traduire. Merci Stéphane et merci à vous de cette invitation. J'ai donné un titre qui doit paraître assez large et qui en fait est le titre d'un livre sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et évidemment, le plus important, c'est le sous-titre Histoire croisée, enfin contribution à une histoire croisée du régime conceptuel des sciences humaines et sociales. Donc, mon intervention aujourd'hui, ça va essentiellement consister à vous expliquer ce que j'entends par régime conceptuel des sciences humaines et sociales. Vous expliquer un peu comment j'ai procédé, comment je procède depuis 2 ans. Je pense que j'en ai encore pour 2-3 ans de travail, enfin des chantiers en cours, et vous expliquer comment je procède. J'essaierai de soulever quelques problèmes méthodologiques quand on choisit comme angle, comme entrée pour faire une histoire des sciences humaines et sociales, une histoire qui consiste quand même à être une histoire des disciplines, de l'institutionnalisation des disciplines. Comment on doit procéder méthodologiquement quand on choisit comme porte d'entrée, d'une certaine manière, les concepts. Et en l'occurrence, ce sont des concepts structurants, des notions directrices. Alors, si vous voulez, ma recherche, elle a deux piliers, enfin, elle a deux axes que je suis en parallèle. Il y a évidemment des recoupements, mais ce n'est pas la même logique de recherche. Il y a vraiment un axe de sémantique historique, en particulier de l'antinomie individu-société. J'essaie de comprendre comment l'antinomie individu-société est devenue une sorte d'instrument de régulation des conflits scientifiques, c'est-à-dire une sorte de prétexte à des prises de position bouleversant les équilibres institués, des prises de position théoriques. Et puis j'essaie aussi de comprendre cette antinomie individu-société comme un instrument cognitif de clarification des multiples formes d'antagonisme dual susceptibles de se tisser dans les faits sur l'été des trois grandes dimensions dites biologiques, psychologiques et sociologiques de l'existence humaine. Bon, j'expliquerai évidemment ce que j'entends par là parce que c'est vraiment comme ça que j'essaie de comprendre le régime conceptuel des sciences humaines et sociales qui me paraît avoir deux piliers qui entretiennent entre eux une espèce de tension, de rivalité qui est le pilier de l'articulation individu-société et le pilier d'un réquisit d'une articulation des dimensions dites biologiques, psychologiques et sociologiques de l'existence humaine ou sociale, psychique, culturelle, physiologique, etc. Donc j'essaierai d'expliquer un petit peu la mise en place de ce régime conceptuel. Alors, si vous voulez, quand on s'intéresse par exemple à des notions comme individu et société, on est obligé de remonter vraiment en arrière. Et ces deux concepts, ces deux termes-là, ils sont intéressants parce qu'ils ont des trajectoires sémantiques qui sont séparées. Aujourd'hui, il est évident que c'est des termes qui vont de pair, quoi, qui sont une sorte d'opposition conceptuelle naturelle. Mais en fait, ça n'a pas été le cas très longtemps. Quand on analyse la trajectoire sémantique de ces termes, on voit par exemple qu'individu a d'abord fonctionné avec les notions d'espèce et de genre, qu'ensuite on a eu que l'individu est devenu lié à la notion d'être humain, d'homme, fonctionnant en binôme avec la notion de genre humain. Ensuite, aux alentours de c'est à grand trait que je brasse cette évolution sémantique, mais c'est vraiment le gros du travail que j'ai mené. Ensuite, aux alentours de la Révolution française, là, il y a de très bons travaux, notamment j'ai un problème avec les prénoms. Marie-France Piguet ou Marie-Claire Piguet ? Marie-Claire Piguet. Marie-Claire Piguet a fait de très très bons travaux là-dessus. Aux alentours de la Révolution française, la notion d'individu est liée à celle de citoyen et elle fonctionne en interaction avec la notion de société nationale. Ensuite apparaît enfin la notion d'individu humain liée à la notion de société humaine. Je n'ai pas dit, mais la notion de société a toujours été liée aux êtres humains. dans la trajectoire sémantique de ce terme, c'est toujours lié à l'existence humaine jusqu'à, d'une certaine manière, à la fameuse thèse d'Espinasse sur les sociétés animales, qui a précisément choqué et provoqué les habitudes établies parce qu'il parlait de société animale. Et ensuite, dernière étape, finalement, c'est individu versus société. Donc, si vous voulez, cette étude que je fais, ça ressemble un peu à ce que Starobinsky a fait dans son livre sur action et réaction, que Stéphane connaît, parce que tu résumes très très bien dans l'introduction de ton bouquin, qui est un livre vraiment remarquable, Action et réaction, je trouve, de Starobinsky. C'est un livre vraiment magnifique. Donc, au total, si vous voulez, l'opposition individu-société, c'est le produit de la convergence de la notion d'individu préférentiellement couplée dans les usages à la notion de genre humain et de la fixation d'un nouveau sens dominant attribué au terme société. La société comme configuration d'interdépendance fonctionnelle revêtant un aspect anonyme et impersonnel. Si vous voulez, dans le cadre de relations humaines de proximité subordonnées à un ordre hiérarchique de rang et de fonction, reproduisant lui-même un ordre transcendant des sens divines, il n'y avait pas besoin, ou très marginalement, d'un terme neutre, abstrait ou dépersonnalisant, permettant de qualifier l'unité de base en tant que simple unité parmi d'autres et égale aux autres, puisqu'on était toujours le compagnon, le serviteur ou le maître d'autrui. La façon dont on était désigné par autrui en tant que tel correspondait, sauf exception rare, à la fonction matérielle affective que l'on remplissait et au rôle que l'on était censé tenir dans des relations prédéfinies. Donc, le concept d'individu humain s'est donc affirmé en lien avec une transformation de la structure des sociétés, c'est-à-dire de la manière dont les êtres humains sont reliés les uns aux autres, transformation sapant les bases des pouvoirs traditionnels hétéronomes, qui a elle-même entraîné une évolution du concept de société. Bon, alors, ça, c'est en gros les conclusions de mon enquête. Je me suis référé à énormément de travaux. Bon, d'abord, lecture des dictionnaires anciens, qu'il faut toujours contextualiser. Par exemple, l'Encyclopédia Britannica, il y a des très très bons travaux de Silvia Sebastiani, mais tous les grands dictionnaires, les grandes encyclopédies, comprendre leur évolution, c'est des outils avec lesquels je travaille. Il y a des travaux d'histoire des concepts qui sont absolument fondamentaux. Je me réfère beaucoup à Jacques Guillaumeau. Il y a un très bon volume de Laurence Kaufmann et Guillaumeau sur la notion de société. Il y a les bouquins de Becker, etc. C'est pas ce que je vais développer aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer en gros l'un des gros piliers de ma recherche, qui est la question individu-société dans les sciences humaines et sociales, qui m'a obligé à faire une espèce à retracer la sémantique historique de ces termes et à comprendre à partir de quand et selon quelles conditions ils ont été arrivés à être des termes couplés, à participer d'un même espace conceptuel. Alors, si vous voulez, dans un cadre beaucoup plus micro, c'est le deuxième pilier de mes recherches, j'examine l'émergence d'une langue psychosociale à la fin du XIXe siècle. Alors là, j'ai beaucoup travaillé, notamment parce que les archives sont très riches, on dépend évidemment souvent des sources qu'on a, et je n'avais pas du tout prévu de travailler sur un auteur comme Gabriel Tarn, mais il se trouve que le fonds d'archives est très très riche, que l'auteur est très intéressant. J'en parlerai plus loin, ce sera... Je vais en parler aujourd'hui, ça sera vraiment la troisième partie de mon propos. Un mot aussi sur les recherches que je commence à mener en Allemagne, parce qu'elles s'inscrivent dans cette même logique de comprendre l'émergence d'une langue psychosociale à la fin du XIXe siècle. C'est des recherches que je mène sur un type qui est absolument inconnu, qui a mal tourné d'ailleurs sous le nazisme, qui s'appelle Hans-Lorenz Stoltenberg. Alors lui, il m'a intéressé... parce que d'abord, donc il est né en 1888 et il est mort en 1963. C'était un linguiste, un spécialiste de la langue étrusque, et puis c'était aussi un sociologue, un élève de Zumbart. Et lui, c'est aussi quelqu'un qui a essayé d'introduire un psychosociologue comme Lester Ward en Allemagne. Et l'essentiel de ses travaux, dont je vais dire juste un petit mot pour vous expliquer un petit peu ce que j'essaie de faire, se situe dans les années 20, années 30. Et lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'introduire une terminologie germanique des sciences humaines et sociales. Il a essayé d'évacuer tous les mots d'origine française en particulier, sociologie, sociale évidemment, mais même un mot comme psychologie qui pourtant, sous sa forme latine d'origine, a été... théoriser, enfin, à trouver vraiment un contenu fort chez un auteur allemand, qui est Christian Wolff, au début XVIIIe siècle. Donc finalement, il a essayé de mettre en place toute une terminologie germanique, allemande. Donc sociologie, pour lui, c'était Gruppwissenschaft, Zell Group Wissenschaft, c'était psychosociologie. Group Zell Wissenschaft, donc groupe, c'est groupe. Zell, c'est âme en allemand. Wissenschaft, c'est science. Group Zell Wissenschaft, c'était, il voulait que ce soit l'appellation pour social-psychologie. Voilà, donc lui, il m'intéresse pour essayer de comprendre dans quelle mesure ces grandes notions sur lesquelles je travaille sont des notions qui ont une diffusion transnationale, qui sont, qui ont exactement le même sens, que ce soit en Italie, en Angleterre, en France. Essayer de comprendre une sorte d'exception allemande. Est-ce qu'il y a une sorte d'exception allemande? Il y a une sorte de quête impossible d'une langue pure germanique qui échoue, parce que Christian Wolff, à chaque fois qu'il utilisait ces termes-là, il mettait entre parenthèses sociologie, ou bien ça, Einzelwissenschaft, c'est individual psychologie, ou Zellwissenschaft, c'est psychologie. Il n'a jamais réussi à inscrire ces termes-là dans des usages qui ont été repris. Puis il y a une spécificité allemande aussi dans le rapport à la notion de social qui a eu du mal à prendre. Sachant qu'on a un terme quasi synonyme qui est Gesellschaftlich en allemand. D'ailleurs, la langue allemande, elle est intéressante parce que tous ces termes directeurs sur lesquels je travaille, ils ont des synonymes en allemand qui fonctionnent, ils sont utilisés de manière. On ne peut pas dire que quand un auteur parle de Psychisch ou de Seelisch, on ne peut pas dire qu'il donne des sens différents à ces termes qu'il emploie. J'avais essayé de repérer dans l'œuvre d'Elias. Pourquoi à tel moment il parle de social? Pourquoi à tel moment il parle de Gesellschaft? Est-ce qu'il y a des différences importantes? J'en ai pas véritablement trouvé. Bon, alors voilà donc les recherches que je mène. Et elles m'amènent à penser l'émergence. Là, je vais être un peu théorique, j'espère pas trop pénible. Elles m'amènent à penser l'émergence de ce que j'appelle le régime conceptuel des sciences humaines et sociales. Alors celui-ci résulte d'un effort d'interprétation empiriquement fondée de la réalité des êtres humains en société et des spécificités de la nature humaine. Alors, comme je l'ai dit au début, il me paraît être caractérisé par la superposition du couple dichotomique individu-société, Individuum und Sein und Gesellschaft en allemand, et du continuum tridimensionnel biologique, psychologique, sociologique. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, l'opposition psychique-sociale ne recoupe pas entièrement l'opposition individu-société. Elle implique l'introduction d'un troisième terme, donc le passage à une structure de pensée trichotomique. C'est le biologique, ce fameux troisième terme qui est toujours présent, y compris chez ceux qui prétendent s'en émanciper totalement. Alors, mon pari, c'est que l'analyse sociogénétique de ce régime conceptuel permet de suivre les différents processus d'institutionnalisation plus ou moins linéaire des sciences humaines et sociales. Cette analyse doit donner les moyens de mieux comprendre l'instauration aussi de nouvelles modalités de relations humaines et de rapports gouvernants-gouvernés. Alors là, je rejoins totalement Stéphane dans l'introduction de son livre La dispersion, que je suppose que tout le monde a lu, quand il écrit que le terme diaspora est devenu un concept à la faveur, je cite, d'évolution tangible de la réalité historique des formes de liens et d'évolution institutionnelle du paysage académique. Alors moi, dans mon domaine de recherche, je retrouve évidemment ces nécessités-là, de penser l'émergence d'un régime conceptuel qui est un régime qui est propre à des disciplines scientifiques, qui prennent pied dans un espace universitaire, mais qui en même temps renvoient à des transformations globales des relations humaines, des modes de gouvernement, de la structure des sociétés, etc. Par exemple, des termes comme social, sociologie, à la fin du 19e siècle, ce sont des termes qui ont une diffusion sociale relativement large, qui ensuite ils vont servir à que sociologie va devenir le nom d'une discipline, mais à l'origine, la diffusion sociale du terme sociologie est beaucoup plus large. Est beaucoup plus large. Alors, ce dont traite mon bouquin, en fait, en cours d'écriture, évidemment, c'est de l'émergence de ce que Maurice Tournier, qui est un. Maurice Tournier, c'est un linguiste que j'aime beaucoup, que je conseille de lire, qui a théorisé l'étymologie sociale. Et il y a trois volumes d'articles. Moi, je ne connais que ces trois recueils d'articles dont j'ai oublié le titre. Le titre, ça doit être Étymologie sociale, mais il y a des sous-titres. Et c'est des petits textes, toujours des petits textes très courts sur des notions ou des expressions. Et c'est absolument remarquable parce que lui met énormément l'accent sur les usages. Ça devrait t'intéresser parce que c'est un linguiste très très précis, mais qui parle d'étymologie sociale justement pour nous expliquer que le concept ne se comprend que par rapport aux usages qui en sont faits et ce qu'il appelle les sites d'emploi, qu'il faut toujours reconstituer. On ne peut pas comprendre un concept et son usage si on ne comprend pas d'abord dans quel site d'emploi, pour reprendre son expression, il s'inscrit. Donc j'essaie de comprendre l'émergence de ces termes directeurs, biologique, sociologie, biologie, qui fonctionnent avec le problème individu-société, qui sont également deux grandes notions très générales, très abstraites, sont des mots-concepts. Mon travail consiste à montrer que les termes directeurs biologie, psychologie et sociologie, en dépit d'histoires différentes, ont été intégrés à la fin du XIXe siècle dans un réseau commun, conférant au régime conceptuel des sciences humaines et sociales sa structure tridimensionnelle fondamentale, sur laquelle s'étaye la structure dichotomique individu-société, du fait des propriétés identiques que ces concepts possèdent. C'est-à-dire un objet à investiguer, alors la vie, les organismes vivants, ou les phénomènes vitaux, pour la biologie évidemment, l'âme, le psychisme, ou l'effet psychique individuel pour psychologie, les groupements humains, la société, le social ou l'effet sociaux pour sociologie. Donc ces concepts ont des propriétés identiques, donc un objet à investiguer, et puis évidemment une même ambition de connaissance objective qu'aucune considération idéologique, religieuse ou métaphysique ne saurait venir entraver, d'où l'élément suffixal, logie. Et d'ailleurs, peu importe que ces termes-là respectent l'étymologie, parce que le terme sociologie est un terme qui a fait beaucoup de débat parce que c'est un terme bâtard qui est gréco-romain, gréco-latin, pardon. Mais ce qui compte, c'est l'efficace conceptuelle du terme et le besoin auquel il répondait. Et finalement, les puristes n'ont absolument pas eu gain de cause dans le combat qu'ils ont mené contre ce terme sociologie qui répond à un besoin. Il y a plein d'autres termes, d'ailleurs ça c'est intéressant aussi de faire cette histoire-là, qui ont la même structure, qui apparaissent à la même époque, mais qui ne vont pas prendre. Le terme, l'appellation de pédologie, par exemple, très à la mode, à partir de la fin du XIXe siècle jusque, grosso modo, années 20, 1930, c'est un terme qui lui porte une ambition de connaissance scientifique de l'enfance, de l'enfant, mais qui ne prendra finalement pas parce qu'il est pris de biais, il est pris enfin, en étau entre la pédagogie et la psychologie, et il ne prendra pas alors qu'il y avait des congrès de pédologie, des gens qui ont essayé de... Je crois même qu'il y avait une revue. Il y a eu une thèse très importante, des porte-paroles de ce terme-là qui essayaient de le défendre, mais le terme n'a pas pris. Mais je veux dire, dans cette époque-là apparaissent ce genre de termes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir des histoires anciennes. Ce sont tous des néologismes, hein, c'est la spécificité de ces termes-là. Ce n'est pas comme diaspora, un terme qui a qui existe depuis très très longtemps puis qui réapparaît. Là, on est dans des concepts, dans des termes qui sont des néologismes, qui apparaissent assez tardivement. Ils ont des évolutions qui sont un peu séparées. Alors psychologie, lui, a une histoire plus longue. Et d'ailleurs, cette histoire longue du terme psychologie est intéressante parce qu'elle nous apporte aussi des informations sur les problèmes théoriques, conceptuels qui vont être posés après. D'emblée, le mot psychologie pose le problème des rapports entre l'âme et le corps. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, bon, ça, c'est un peu... je vous ai un peu fait une introduction un peu très très longue. Alors, pour vous faire un peu comprendre ma démarche, j'ai trouvé qu'il était utile d'essayer d'expliquer pourquoi j'en suis arrivé, depuis combien de temps je parle pour que je puisse me doser un peu. Depuis une grosse quinzaine de minutes. D'accord, ok. Donc, pourquoi j'en ai été amené à travailler sur ces termes qui ont l'air très généraux, pourquoi choisir un angle d'approche aussi général? Ben, je vais évidemment essayer de parler un petit peu de mes recherches sur Norbert Elias. Et puis après, j'essaierai d'illustrer ma démarche à partir d'enquêtes concrètes que j'ai menées dans les archives d'Henri Vallon, qui était un psychologue de l'enfance très connu, grand rival de Piaget, et l'enquête que j'ai menée sur Gabriel Attard, dont j'ai un petit peu parlé au début de mon topo. Alors, je ne vais pas parler, parce que je n'ai pas le temps, de mon travail qui était censé être sur la réception d'Elias. Je vais vous dire comment l'œuvre d'Elias m'est apparue. Après coup, telle que maintenant je peux l'exprimer, et telle qu'elle se donne à lire dans un bouquin qui est assez connu d'Elias, qui est très lu, mais en fait c'est surtout la troisième partie qui est lue, c'est la société des individus. Et alors... Moi, je vais surtout vous parler des deux premiers textes de la société des individus, en essayant de les contextualiser. Si vous voulez, l'œuvre d'Elia, et surtout en lisant le premier texte de la Société des individus, donc c'est un recueil de trois textes, l'un qui est composé en 38, l'autre qui est composé dans les années 40-50, on ne sait pas trop d'ailleurs quand est-ce qu'il a véritablement écrit ce texte, mais bon, grosso modo, on le situe années 40-50, moi c'est plutôt années 50 que je le mettrais. Et puis un troisième texte qui date de 1987, qui est le texte qui est beaucoup lu en sciences politiques, qui est intitulé « Les transformations de l'équilibre nous-jeu ». Et c'est un texte qui date de 87. Et quand il l'écrit, il a 90 ans. Mais alors, le premier texte, il est absolument fascinant parce qu'il date de 1938. Et il écrit juste après avoir rédigé les deux volumes de son ouvrage très célèbre sur la civilisation, sur le processus de civilisation. Qui aura un ouvrage dans lequel il met au jour la façon dont les normes de comportement, enfin, là, je n'apprends rien, et de pudeur dans les sociétés occidentales ont évolué à partir du Moyen-Âge vers un type très précis d'autocontrainte corrélativement au processus de monopolisation étatique de la violence physique. Alors c'est vraiment une étude historique qui est très freudienne d'inspiration et qui est très marquée par le souci de proposer une synthèse de la biologie, de la psychologie et de la sociologie, vraiment. C'est un livre qu'on peut lire sous cette forme-là, à travers la question freudienne des rapports entre les contraintes sociales, les contraintes extérieures, c'est-à-dire les contraintes que pose la vie avec autrui, dans des cadres sociaux préétablis, et les autocontraintes. Sachant que les autocontraintes renvoie à un potentiel, à une capacité d'autorégulation des pulsions, mais suppose évidemment l'intégration de normes de comportement, d'habitudes de comportement, etc., qui sont inscrites dans la société dans laquelle on est, bien évidemment. Donc, ce texte, justement, La société des individus, c'est un texte ultra théorique qu'il écrit donc, dans la foulée de cette étude qui est une étude qui est étayée sur la lecture des traités de civilité. Enfin, c'est un travail empirique qui fait. Je me suis demandé pourquoi il ressent le besoin d'écrire un texte purement théorique intitulé « La société des individus », qui est un texte très abstrait dans lequel il cite très peu de monde. Quasiment personne. Je n'ai pas compté le nombre d'auteurs qui sont cités, mais s'il y en a une demi-douzaine, c'est le grand maximum. Donc c'est un texte extrêmement abstrait, théorique, mais en même temps très précis au niveau de la langue. Et je me suis posé la question, finalement, pourquoi, tout en proposant une synthèse empirico-théorique du biologique, du psychologique, du sociologique, il ressent le besoin de poser sur un plan théorique, purement théorique, la question des rapports individu-société. Alors c'est vraiment ça qui m'a incité à comprendre les raisons pour lesquelles, finalement, l'enjeu d'une articulation théorique des dimensions biologiques, psychologiques, sociologiques, de l'existence humaine, cohabite structurellement avec la nécessité de mettre, ou de remettre plutôt, perpétuellement en jeu le faux problème des rapports individu-société. Alors, aussi, je comprends pourquoi Elias me donne le sentiment, m'avait donné le sentiment d'avoir exploré, d'une certaine manière, sur le plan de l'écriture et de l'ambition synthétique, toutes les potentialités du régime conceptuel des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'il joue avec ces grandes notions-là, il les articule. Alors, on peut après reconstituer ces capitaux intellectuels. Il s'inscrit dans le champ intellectuel allemand. C'est quelqu'un qui rompt de manière radicale avec la philosophie kantienne, qui s'inscrit ensuite dans l'espace de l'université de Francfort avec le fameux enjeu d'une synthèse freudo-marxiste. C'est un élève de Karl Mannheim, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, qui va ensuite fréquenter pendant son exil en Angleterre après 1933, quand il quitte l'Allemagne, essentiellement des psychologues et des psychanalystes. Donc on peut comprendre cette capacité qu'il a eue, finalement, de tirer profit de ce qu'on pourrait qualifier de lente décantation de ces grandes notions directrices, de ces grands problèmes théoriques qui font sens pour finalement tout le monde, et en proposer une sorte de synthèse pure. L'œuvre d'Elias aussi, ce qui m'a beaucoup frappé et qui m'a aidé à travailler finalement, c'est qu'elle témoigne que la singularité du régime conceptuel des sciences humaines et sociales est de permettre de penser et d'expliquer les processus en tant que tels. À rebours des traditions de pensée établies, propres aux sociétés occidentales et de certaines intuitions cognitives, peut-être communes à l'ensemble des êtres humains. Alors, ces intuitions cognitives, c'est l'abus des raisonnements dichotomiques. C'est une question qu'à mon avis, on ne peut pas ne pas aborder. Cette question de certaines intuitions cognitives qui pourraient être innées aux êtres humains. Alors, il y a beaucoup de psychologues de l'évolution qui en parlent, mais même quelqu'un comme Stephen Jay Gould en parle dans son bouquin intitulé Le renard et le hérisson, qui est un livre vraiment génial, qui a une sorte de digression sur cette métaphore et sur les rapports entre les humanités et les sciences. Donc certaines intuitions cognitives, je dirais, abus des raisonnements dichotomiques, tendance à la réification, propension à croire en des essences traduisant une réalité d'ordre supérieur et assigner autant une directionnalité, psychologie spontanée de l'âme et du corps. Elias, finalement, ne cesse de combattre à la fois contre des habitudes de pensée établies, qui sont liées, par exemple, à une discipline comme la philosophie. C'est vraiment l'adversaire le plus irréductible que vous pouvez imaginer de la philosophie et du mode de production conceptuelle proprement philosophique. Mais il donne aussi l'impression, finalement, de combattre contre des habitudes, contre des biais cognitifs innés. Il donne vraiment cette impression-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette importance qu'il met sur la nécessité de faire évoluer notre langage, nos habitudes de pensée, nos concepts, pour saisir les processus, pour saisir les flux. Et finalement, je pense que la vraie fonction de ces concepts directeurs, c'est d'aider à penser, même s'ils y arrivent de manière pas toujours... Enfin, je ne me prononce pas sur l'idée qu'on travaille avec les meilleurs instruments conceptuels possibles, je n'en sais absolument rien, mais un travail historique permet de comprendre que ces concepts-là ont pour fonction, hein, il faut parler de fonction, de se représenter processuellement les êtres humains dans le monde vivant qui est finalement leur seul créateur, ou dans le monde social historique dont ils sont les seuls créateurs. On pourrait même dire, d'une certaine manière, qu'une même ambition scientifique de processualisation généralisée de l'étude de la nature humaine et de la structure des sociétés humaines réunit l'économie, la première science sociale, la biologie darwinienne, qui est fondamentalement une approche qui pense les processus cumulatifs, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l'ethnologie ou l'histoire, en tant qu'elles sont toutes, par-delà la diversité de leurs objets et de leurs méthodes, des sciences anthropologiques processuelles. C'est dire que leur émergence et la décantation de leur régime conceptuel atteste une transformation décisive de l'image que les êtres humains se font d'eux-mêmes. Alors, si vous voulez, ça c'est la lecture que je ferai du premier texte d'Elias, qui est la société, qui est intitulée La société des individus, qui est le texte qui donne son titre à ce volume. La difficulté que j'ai, si vous voulez, c'est le sentiment que les sciences humaines et sociales sont fondamentalement contre-intuitives. C'est vraiment quelque chose qui me frappe de plus en plus. Et que le régime conceptuel des sciences humaines et sociales, bien qu'il ne fonctionne pas toujours de manière très efficace, mais ça, je veux dire, ce n'est pas mon problème, bien que les notions sont souvent réifiées, bien que... la question de l'individu-société est toujours là, présente, et est toujours présentée comme un problème dont on devrait pouvoir se passer, mais en même temps, on n'arrive pas à ne pas y recourir. On dit toujours, c'est toujours présenté dans la littérature, c'est le faux problème individu-société, ou un problème qu'on pense être résolu, mais en même temps qu'on remet toujours sur le métier. Donc ce sont des termes et un régime conceptuel profondément contre-intuitif qui a obligé finalement la philosophie, alors c'est un point que je ne vais pas développer mais sur lequel j'étais obligé de réfléchir, a obligé la philosophie à se donner son propre régime conceptuel. Et à mon avis, la philosophie doit se comprendre comme une forme de radicalisation sous une forme ésotérique de réflexes cognitifs de réflexe cognitif inné. Mais bon, ça, c'est un autre problème, je ne rentre pas là-dedans. Alors, si on s'intéresse au deuxième texte de la Société des individus, on se rend compte que Elias, dans ce texte, qui est écrit dans les années 40-50, n'appréhende pas seulement individu et société comme des mots abstraits exprimant respectivement, dans un univers culturel parmi d'autres, à un stade déterminé de son développement, la dimension organiquement ou psychiquement vécue et la dimension collectivement structurée de l'existence humaine de manière générale. C'est-à-dire deux points de vue complémentaires. Individu et société sont des points de vue. C'est quelque chose qui est souvent dit. Il le dit, mais ce n'est pas l'essentiel de son propos. Il ne se contente pas non plus de mettre en rapport le couplage oppositionnel de ces notions, individu et société, et la représentation individualiste de la personnalité humaine, propre aux membres des sociétés occidentales industrielles, si l'on en juge par les écrits des philosophes ou des écrivains et par les divers témoignages laissés par les élites culturelles. Il voit surtout en ces concepts des images, individu et société, donc, des images, des représentations d'ordre affectif. Le problème de leur usage dans les sciences humaines et sociales, dit-il, tient principalement au fait qu'ils véhiculent des idéaux sociaux. La présence de ces concepts dans les sciences humaines et sociales, ainsi que le fait qu'ils soient, surtout à l'époque à laquelle il écrivait, mais même encore aujourd'hui, le fait qu'ils soient souvent dressés l'un contre l'autre, ça c'est symptomatique pour Elias de l'importation d'idéaux sociaux, de croyances idéologiques. Alors pour Elias, évidemment, ça s'explique en partie par la guerre froide. En gros, il dit, voilà, on a un système politique qui est le système politique américain qui valorise l'individu, puis on a un système politique, celui de l'Union soviétique, du bloc de l'Est, qui valorise la société. Bon, tout ça, ça paraît un petit peu daté. Alors j'ai eu une correspondance très intéressante avec l'historien anglais, H. Carr, qui est le fameux auteur de Qu'est-ce que l'histoire ? Et Qu'est-ce que l'histoire ? C'est une série de conférences. Et parmi ces conférences, il y a une conférence sur individu et société. Et il se trouve que c'est Elias a aidé Carr à préparer cette conférence. Et c'est d'ailleurs le troisième chapitre de la deuxième partie du bouquin que je suis en train d'écrire. Elle est uniquement concentrée sur cette correspondance. Bon. C'est intéressant parce qu'on peut objectiver les différences d'habitude entre un universitaire anglais et un universitaire formé dans un cadre allemand. Alors pour la petite histoire, Elias a beaucoup aidé Carr à préparer la conférence individu-société. Alors, encore plus pour la petite histoire, on est vraiment dans l'anecdote presque sordide. Carr n'a jamais cité Elias, et Elias se venge dans Logique de l'exclusion, où il fait une petite note assassine sur H. Carr, et ça renvoie à cet échange purement privé et cette absence de reconnaissance publique de dette de la part de H. Carr. Voilà, c'est hyper codé. Bon, alors dans cette lettre, dans une lettre à Carr que je vais vous citer, Elias écrit. Je ne pense pas que l'on puisse réellement être convaincant sans montrer d'une part pourquoi ce type de conceptualisation, individu versus société, est si persistant, et d'autre part, sans mettre quelque chose de positif, un autre modèle, ou peu importe comment on l'appelle, à sa place. Ce qui requiert, me semble-t-il, un degré de détachement, ou dans le langage traditionnel, reposant sur la fausse antithèse objet-sujet d'objectivité, qui, dans la période de la guerre froide, est rare. Ainsi, théorisant la production sociale de la conscience de soi et de l'image que les êtres humains se font d'eux-mêmes, Elias considère-t-il donc avant tout l'individu et la société comme des bannières sous lesquelles les êtres humains se rangent pour se rassurer dans un contexte anxiogène, en tout cas là, pour ce qui concerne cet échange, de la guerre froide. À aucun moment, dans son œuvre, et ça me surprend un petit peu, il n'aborde l'idée, enfin il le sous-entend, suivant laquelle les êtres humains pourraient être soumis à des biais cognitifs dichotomiques innés. Je n'ai pas de religion sur cette idée-là, mais elle me paraît assez bien étayée par des travaux de psychologues, Henri Vallon par exemple, ou Paul Bloom, qui est un psychologue américain qui a intitulé un livre qui s'appelle « Descartes Baby » et qui montre que les très jeunes enfants, les bébés, sont spontanément... dualiste. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui ne doit pas être, que l'historien des sciences humaines et sociales doit avoir un petit peu dans sa tête. Il souligne tout au contraire l'origine sociale des habitudes de langage et des modes de pensée des êtres humains. Et quand je parle d'origine sociale, évidemment, vous n'ignorez pas que je fais référence à un phénomène qui devrait exclusivement à la structure des relations humaines, ou plus exactement, à une structure donnée de relations humaines produites et reproduites en un lieu donné, sur une durée de temps donnée, par opposition à ce que l'on pourrait être tenté d'attribuer au bagage génétique inné des êtres humains. Je dis ça, c'est histoire de dire que finalement, ces grandes notions-là font que, même si, par exemple, le social, le biologique et le psychologique s'inscrivent dans un cadre à trois pôles, leur usage, finalement, s'entend toujours, d'une certaine manière, par opposition à un des autres pôles. Et en fonction du contexte, on peut se dire, tiens, quand un tel auteur parle de social ici, c'est par opposition soit au psychologique, soit au biologique. C'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut analyser à travers une lecture des textes. Alors, Elias, bon, l'explication qu'il privilégie tient à la peur qui engendrerait des fantasmes interdisant toute perception distanciée de la réalité des interdépendances humaines. Donc, individu-société, pour lui, donne une représentation fausse de la réalité. Alors, si je parle un petit peu d'Elias, c'est pour vous faire comprendre que ma manière d'appréhender la question individu-société et la présence et la fonction de ce couple dans les sciences humaines et sociales est complètement différente, si vous voulez. Ça ne remet évidemment pas en cause l'importance du travail d'Elias que je vous conseille de lire, évidemment, parce qu'il y a un effort de clarification énorme, mais il y a parfois un manque de réflexivité. Parce que prétendre qu'on résout le problème des rapports individu-société, c'est une prise de position qui n'est jamais neutre et qui est une prise de position qui sert à prendre position par rapport à d'autres auteurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce faux problème ne cesse de se perpétuer, outre, et c'est un point que je ne développe pas, qu'il renvoie aussi à cet usage de ces grandes notions qui s'inscrit dans un schéma de pensée tridimensionnel, mais qui sont toujours utilisés par opposition à un autre terme, antonyme. Alors, il me semble que la fonction du couple individu-société ne peut pas se comprendre isolément du régime conceptuel des sciences humaines et sociales. Ce qui fait la spécificité du régime conceptuel des sciences humaines et sociales, je l'avais un petit peu dit, c'est que la question des rapports individu-société échappe à la logique de production dichotomique de propositions métaphysiques caractéristique du régime conceptuel de la philosophie occidentale. Bon, là, j'aurais voulu vous citer une citation assez longue de Louis Rougeret, qui est un philosophe analytique exceptionnellement sulfureux, parce qu'il a mal tourné, comme certains. Il y a des gens qui tournent mal. Mais dans sa jeunesse, c'est vraiment celui qui a introduit la philosophie analytique dans les années 20 en France. Ensuite, il a mal tourné. Il a voulu jouer un rôle politique pendant la Deuxième Guerre mondiale, très ambigu. Enfin, je ne sais pas si ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il prétendait avoir été missionné par Vichy pour négocier avec Churchill. Et puis ensuite, il était proche de la nouvelle droite d'Alain de Benoît. Enfin, ça, c'est totalement anecdotique. Mais c'est en tant qu'historien de la philosophie, que philosophe analytique, il est important. Bon, mais je ne vous citerai pas une longue citation. Je vais aussi passer tout ce que je voulais vous dire sur le régime conceptuel. Parce que je sens que je suis trop long. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que psychologie et sociologie, je l'ai dit, ont été des mots à la mode avant de servir exclusivement d'appellation à des disciplines scientifiques partageant une même ambition de connaissance objective, avec des visées généralisatrices, plus ou moins ouvertement assumées, donc connaissance objective des êtres humains. Alors, l'une de mes hypothèses aussi, c'est que l'articulation des dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques de l'existence humaine a commencé à produire des effets cognitifs réellement efficients à partir du moment où les deux dernières dimensions, psychologiques et sociologiques, et en particulier la notion de psychologique, n'ont plus été pensées en rapport exclusif avec la vie adulte des êtres humains. Alors ça, c'est ce qui me permet d'introduire la psychanalyse dans mon champ d'étude. J'ai l'impression qu'il y a eu une révolution conceptuelle de la psychanalyse qui n'a peut-être pas été forcément assez bien analysé après coup, et qui sur le coup n'était peut-être pas percevable en tant que tel, parce que l'accent était tellement mis sur la sexualité infantile que ça focalisait toute l'attention. Avec la psychanalyse, psychisme a cessé d'être synonyme de conscience. Parce que non seulement le psychisme inclut une part inconsciente qui constitue l'objet propre de la psychanalyse, mais de surcroît, il est situé préférentiellement du côté de l'enfance, et non plus du côté de la vie adulte, sur le modèle, entre guillemets, social et sexué de l'homme maître de ses pensées. Avec la psychanalyse aussi, certaines relations humaines, les relations parents-enfants, ont été pensées et conceptualisées indépendamment des modèles relationnels, des rapports de production aux rapports citoyens, choses publiques ou gouvernants-gouvernés, caractéristiques du monde social, toujours entre guillemets, adulte. D'où il découle en un sens que toutes les relations humaines ne sont pas sociales, certaines pré-sociales pour ainsi dire, étant psychiquement déterminantes. Et la biologie a été pleinement intégrée dans un schéma intégrateur tridimensionnel du développement humain, le processus de maturation biologique spécifique du jeune enfant éclairant la formation de l'inconscient affectif dans un cadre relationnel spécifique, en l'occurrence la famille nucléaire. Alors, de fait, depuis combien de temps je parle, parce que je devrais avoir une montre sous mes yeux. Il est moins le quart. Il est déjà moins le quart. D'accord. Bon, il faut que j'aille vite. Alors, je ne vais pas évoquer le cas d'Henri Vallon, parce que ce serait trop long. Mais bon, tous les fondateurs de la psychologie de l'enfance, même lorsqu'ils s'opposaient à la psychanalyse ou qu'ils proposaient une démarche parallèle à la psychanalyse, parce que finalement, les stades du développement de la psychologie de Vallon correspondent au stade du développement de la sexualité infantile chez Freud, mais il n'y a aucun recoupement, mais les phases correspondent. Bon. Tous les grands fondateurs de la psychologie de l'enfance ont essayé de proposer une synthèse tridimensionnelle de ces trois pôles, biologique, psychologique et social, vraiment du même type, de la même espèce. En fait, alors, Henri Vallon, j'aurais voulu développer parce que lui m'a intéressé, je me suis intéressé à lui parce que c'est quelqu'un qui est un psychologue de l'enfance, mais qui a essayé de donner toute sa place à la dimension biologique, à l'étude du système nerveux, et aussi de donner toute sa place à la dimension sociale de l'existence humaine. C'est quelqu'un qui est devenu très proche du Parti communiste, c'était quelqu'un qui avait une conception très fine de l'existence des classes sociales. Et bon, si on évalue son travail, on se dit qu'il n'a pas été satisfaisant, qu'il lui a été extrêmement difficile de tenir le pari d'une synthèse théorique donnant effectivement toute sa place à la dimension biologique et à la dimension sociale pour comprendre la spécificité du psychisme. De facto, c'est quand même le biologique qui prédomine chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Vallon, un peu comme Elias d'ailleurs d'une certaine manière, avait un projet de bouquin qu'il n'a pas mené à bien, mais dont on peut lire des brouillons, des esquisses de plans dans ses archives, et qui était censé, qui avait pour titre « Individu et société ». Alors il y avait deux titres, il y avait « Individu et société » et il y avait l'autre titre « Moi et l'autre ». Non, « Le moi et l'autre », pardon. Le moi et l'autre. Alors c'est un livre qu'il n'a pas pu terminer. Je ne sais pas exactement de quand date, c'est plutôt, je pense, années 50, parce que Henri Vallon, c'est quelqu'un qui a eu un très très grave accident vers la fin de sa vie, et il a été handicapé les 8-9 dernières années de sa vie, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a pu accomplir pendant cet espace de temps ou pas, mais bon, je pense que ça date plutôt des, je crois qu'il est mort au début des années 60. Voilà, donc c'est un aspect que je développe pour montrer la difficulté qu'il y a à produire une synthèse théorique donnant toute sa part aux dimensions dites biologiques et dites sociologiques du psychisme, sans recourir à cette espèce de béquille qui est celle du problème théorique des rapports individu-société. Alors je vais maintenant vous développer un peu plus pour terminer un travail que je fais sur Gabriel Tarde, qui en gros, si vous voulez, dans le livre que je suis en train de faire, il y a une partie de sémantique historique qui correspond un peu au début de ce que je vous avais dit, donc c'est de longue durée de l'évolution des termes individu-société, longue durée aussi de l'évolution du terme psychologie, le moment où individu et société s'inscrivent dans un même champ conceptuel, et idem pour ces trois notions qui sont mises en réseau, biologique, psychologique, sociologique. Et puis j'ai une deuxième partie qui a trois chapitres, un qui tourne autour de Gabriel Tarde, l'autre qui tourne autour de Stoltenberg, et l'autre qui tourne autour de Carr et Elias, et qui me permet de penser l'émergence d'un langage du psychosocial, en essayant de comprendre les spécificités du langage, entre guillemets, allemand, anglais, et puis, pour ce qui est de Gabriel Tarde, français, mais je développe aussi un peu sur l'Italie, parce que Gabriel Tarde avait énormément de fans en Italie. Alors, Gabriel Tarde, c'est quelqu'un qui est connu surtout pour son livre sur les lois de l'imitation. Il a un statut assez flou dans l'histoire de la sociologie, parce que, c'est le mec que Durkheim a assassiné, quoi, si d'une certaine manière, après Durkheimien ou assassiné. C'est le type qui n'a pas réussi à percer, qui a été étouffé par Durkheim. C'est une vision caricaturale, évidemment. Il est intéressant parce que lui, il permet de penser l'effacement du référentiel, de ce que j'appelle le référentiel philosophique. Et il permet de penser les enjeux liés à la constitution d'une langue objectiviste unifiée du psychosocial qui ne soit pas réductible au déterminisme biologique, tout en prenant en compte son existence. Et il me semble d'ailleurs que, et je ne l'ai pas dit, la manière de travailler en termes de régime conceptuel des sciences humaines et sociales, et pas uniquement de sciences sociales, je suis vraiment en désaccord, par exemple, avec le dernier livre de Bruno Carsanti, D'une philosophie l'autre, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui est une sorte de reconstitution de l'émergence. Alors lui, il parle que de sciences sociales, qu'il pense uniquement par rapport à la philosophie. C'est une forme, enfin, c'est une manière de sauver la philosophie qui ne permet pas qui donne pas une intelligibilité de l'émergence des sciences humaines et sociales, je trouve, parce qu'il y a une rupture fondamentale avec la philosophie et le régime conceptuel de la philosophie, et surtout il y a une convergence dans l'ambition d'objectivation de l'être humain entre les notions de psychologie et de sociologie très fortes, que ce soit en Allemagne avec la Volkspsychologie, en France avec la notion de psychologie sociale qui occupe une place extrêmement importante à la fin du 19e, à la fin du 19e siècle. Alors c'est ce dont je vais vous parler. Alors je vais vous parler un peu de la réception des lois de limitation, très rapidement, et puis de la manière dont, à travers la constitution d'un corpus, un gros corpus de lettres adressées à Tarde, j'ai essayé d'objectiver la manière dont on s'adresse à Tarde. Bon. Alors, un examen très rapide aujourd'hui, enfin, mais qui a été exhaustif, parce que la chance qu'on a quand on travaille sur Tarde, c'est qu'il était abonné à l'Argus de la presse. Donc, dès qu'on parlait de lui, il recevait des coupures de journaux. Et donc, on a l'ensemble, par exemple, des comptes rendus des lois de limitation. Donc, on peut vraiment faire un travail rigoureux. J'en ai repéré un qui n'était pas dans ces archives, mais c'est très complet. C'est très très complet. En tout cas, on a une bonne base de départ, quoi, pour travailler. Alors, quand on lit les comptes rendus des lois de limitation, qui est le livre le plus connu de Tarde, qui est sous-titré Études de sociologie, qui a été publié en 1890, on constate que le vocable philosophie et ses variantes philosophique et philosophe est toujours employé avec d'autres signifiants plus spécifiés et plus spécifiques, jusqu'à paraître menacé dans son existence même, tant son ambivalence sémantique et référentielle donne l'impression d'être irréductible, hors de toute co-occurrence. Pour signifier l'objectif de compréhension des motifs profonds et inconscients psychologiques de l'action humaine, le terme psychologie vient systématiquement redoubler celui de philosophie. Alors Tarde reçoit l'épithète de psychologue de l'imitation quand il est question de son œuvre individuelle. Donc c'est là qu'on voit que individu et psychologie fonctionnent ensemble de manière naturelle au niveau des co-occurrences, mais aussi au niveau des thèmes sous-jacents. Donc Tarde reçoit l'épithète de psychologie de l'imitation quand il est question de son œuvre individuelle, alors je cite, qui n'imite personne, ou lorsqu'il s'agit de rendre hommage à son aptitude à renouveler et rajeunir les sujets en apparence les plus rabattus, je cite encore, comme ceux de la littérature et de l'art, ou lorsqu'il est fait référence à la perspicacité de ces lumières jetées sur l'âme humaine à l'encontre de la vieille notion de liberté morale. Alors là, je cite encore un extrait de compte-rendu, car ce n'est pas un des moindres bienfaits de la psychologie contemporaine que d'avoir montré combien est étroite et fausse la notion de la liberté morale du bipède humain. Bon. Parce que Tard, finalement, ce qui, et le fait que Tard ait eu beaucoup de succès avec les lois de l'imitation, c'est qu'il s'inscrit dans le sillage de la psychologie dite physiologique. Alors, c'est aussi un grand développement que je fais, mais pourquoi la psychologie, pour se justifier, pour se légitimer, a ressenti le besoin de se qualifier de physiologique, et pourquoi inversement, pour prendre pied dans l'institution universitaire, la sociologie n'a dû être que sociologique. Bon, ça c'est un autre point, mais Tard, avant l'institution de la sociologie, avant l'entreprise durkheimienne, il passe pour celui qui a été capable d'articuler la nouvelle psychologie scientifique, la psychologie physiologique, et la sociologie. Alors je vais y venir très bientôt. Alors, le philosophe, ici, on peut dire, est psychologue. Alors, dans un compte-rendu, il dit c'est un psychologue de race. Alors, il y a un référent psychologie, ne serait-ce qu'au travers de la figure édifiante du somnambule, de l'hypnotisé, puisque, je ne l'ai pas dit, mais Tard se réfère beaucoup aux travaux sur l'hypnose pour penser les faits sociaux. Alors, on constate qu'il n'y a pas de référent philosophie comparable. Le signifiant philosophie ne renvoie à quelque signifié, le référent philosophie étant comme suspendu dans les airs, en tant qu'il est accompagné d'un autre signifiant. Bon, j'espère que je ne suis pas trop abstrait. C'est-à-dire que philosophie n'est compréhensible en tant que... Le signifiant philosophie n'est compréhensible, renvoie à un signifié qu'à partir du moment et qu'à la condition, d'ailleurs c'est toujours le cas, où il est, où, en tout cas pour le cas de Tard, c'est ça qui est intéressant, où il est accompagné d'un autre signifiant. A l'inverse, pour désigner l'ambition d'appréhension globale des faits humains prêtés à Tard, c'est le mot sociologie qui, de manière semblable, s'ajoute à celui de philosophie, ou à des termes qui connotent le référentiel philosophie. Alors, autre extrait de compte-rendu. Vous croyez peut-être que c'est un livre de psychologie, cela est vrai sans doute, mais c'est aussi et surtout un ouvrage de sociologie. Ça, c'est ce que remarque un journaliste de la revue Le Monde. Alors, les lois de l'imitation sont qualifiées d'études sociologiques et métaphysiques. Alors, métaphysique, là, on a un témoignage quelque peu désuet de l'ancien référent philosophie. J'y ferai référence quand je parlerai de la correspondance. Études sociologiques et métaphysiques d'une haute envergure. Autre extrait, c'est une esquisse de toute la sociologie, c'est-à-dire une philosophie de l'histoire, du droit, de la politique, de l'art et des mœurs. L'auteur, affirme-t-on encore, s'est fait une place dans le monde philosophique par ses études sur la criminalité, et il aborde aujourd'hui une matière nouvelle, la sociologie, avec cette finesse d'analyse et cette érudition qui s'impose à tout, ami ou adversaire de ses idées. Car, je cite encore, telles sont les conséquences logiques du principe posé par la sociologie moderne, la société ses limitations, et l'imitation est une espèce de somnambulisme. Alors cette quête de généralité empiriquement fondée fait inévitablement du philosophe un sociologue, un sociologiste, c'est l'autre appellation. Le référent philosophie se confond avec le référent sociologie. Philosophie comme sociologie dénote la généralité, le général, mais dans un cas, il s'agit d'une généralité toute théorique, dans l'autre, d'une généralité empirique et théorique. Alors, philosophie, c'est évidemment l'étiquette générale, une étiquette générale, mais on ne sait pas ce qu'elle désigne exactement. Et l'usage des mots philosophie, philosophique et philosophe pour désigner la démarche intellectuelle, l'œuvre, la posture et le statut de Tard ne semble jamais être relié à l'existence d'un référentiel philosophique aussi évident que le référent sociologie pour ceux qui utilisent les termes sociologie, sociologique et sociologie. Sociologie, au fond, renvoie à connaissances scientifiques, empirico-théoriques, spécifiques d'une réalité problématique qualifiée de sociale. Le problème social, la question sociale. On pourrait dire que le social est le référent ultime. C'est parce que l'on ne doute pas de l'existence de problèmes dits sociaux, comme en témoigne la vigueur du débat public, que le référent sociologie paraît si solide, et c'est le paradoxe, alors même qu'aucune discipline portant ce nom n'est alors encore enseignée dans l'université, et il faudra d'ailleurs attendre de longues années, de longues décennies même, hein, avant qu'apparaissent des départements de sociologie. Alors, ça s'explique par le fait que Tard n'était pas philosophe de formation et de profession. C'était un magistrat, donc il n'a pas un statut qui justifie de le qualifier de manière routinière de philosophe. Il est qualifié de philosophe parce que philosophie et philosophe, c'est une étiquette générale, mais fondamentalement, quand on le présente comme un philosophe, là j'ai perdu la citation, j'ai pas pris la citation que je voulais. Mais quand on le présente comme philosophe, on dit toujours c'est un philosophe, mais enfin qui n'a rien à voir avec la philosophie telle qu'elle est enseignée, y compris d'ailleurs par ceux qui sont professeurs de philosophie et qui rendent compte de son livre. Bon. Alors quand on s'intéresse aux lettres qui sont adressées à Tarde, alors, des lettres qui proviennent entre guillemets de pères ou d'amis très proches, parce que Tarde est aussi intéressant pour un historien des sciences humaines et sociales parce qu'il a une trajectoire très particulière. Il vient d'un milieu ultra réactionnaire. C'est un magistrat dans une petite ville de province qui fréquente que des avocats qui sont pour certains d'un antisémitisme absolument insupportable, parce qu'il y a une rivalité avec Bergson, bon, etc. Donc il vient d'un milieu ultra réactionnaire et il est reçu quand même par des gens, très bien reçu par des gens qui sont vraiment installés dans le monde académique parisien. Il suscite l'intérêt du grand psychologue de l'époque qui était Odule Ribot, qui le fait publier dans sa revue, la revue philosophique. Taine, juste avant sa mort, le consacre quasiment comme son successeur. Y compris dans l'entourage de Durkheim, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à Tarde, Célestin Bouglet. Bon, Lévi-Brull, il a une position un peu particulière, mais Lévi-Brull essaie d'articuler Tarde et de les réconcilier d'une certaine manière, Tarde et Durkheim. Bon. Donc, dans sa correspondance, il y a beaucoup de pères, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont des avocats de sa petite ville du Périgord et qui ont leur mot à dire aussi sur les questions sociales. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que dans les recensions, les comptes rendus, la psychologie sociale apparaît de manière importante. Dans la correspondance, personne, par exemple, ne l'appelle psychologue social. Bon. Alors, ça tranche avec la présence massive de psychologie sociale. Enfin, massive, pas énormément, mais enfin, l'appellation de psychologie sociale, l'expression psychologie sociale apparaît de temps en temps, mais personne ne le définit, ne le qualifie, ne s'adresse à lui comme un psychologue social. Et alors, si on prend en plus, indépendamment de la collocation lexicale psychologie sociale, la présence du nom psychologie de l'adjectif social, il y a une sorte de paradoxe intéressant. Alors l'appellation philosophe, alors j'ai utilisé le logiciel Hyperbase pour analyser la fréquence des termes, le nombre des occurrences et puis les co-occurrences aussi en particulier. Alors, pour dire l'appellation philosophe, bon, c'est celle qui est le plus utilisée, bon, j'ai 19 occurrences dans mon corpus, devant celle de sociologue, 18 occurrences. Mais alors, l'appellation n'est jamais utilisée seule. C'est-à-dire, quand on dit vous êtes un philosophe, c'est toujours vous êtes un philosophe et un écrivain. Vous êtes un philosophe et un grand savant, philosophe et sociologue. Il n'est jamais fait référence à un patrimoine philosophique, à la tradition philosophique dans laquelle pourrait s'inscrire Tarde. Alors le terme le plus fréquent, c'est psychologie, de très loin. 89 occurrences qui dépassent sociologie, 78. Alors 81 si on ajoute la forme italienne sociologia. Et philosophie, 49 occurrences. C'est beaucoup. Je ne pensais pas que psychologie apparaîtrait autant. Alors ce qui est marrant, c'est que psychologie apparaît énormément, mais l'adjectif psychique n'apparaît pas énormément. L'adjectif psychologique, évidemment, c'est sur une feuille que je ne retrouve pas. Bon, enfin, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que psychologie apparaît énormément, psychique très peu, sociologie un petit peu moins que psychologie, mais quand même beaucoup d'occurrences, et social est de très très loin l'adjectif, ça ne vous étonnera pas, mais je ne pensais pas que ce serait aussi important, de très très loin l'adjectif qui est le plus présent. 143 occurrences. Si vous voulez, sur les termes qui dépassent 50 occurrences, il y en a peu. Ah oui, j'aurais dû allumer mon ordinateur, mais tant pis. Bon. Mais c'est énorme, 143 occurrences, c'est le double, je pense, de l'adjectif qui doit suivre assez facilement. Sociologique, par exemple, c'est 43 occurrences. Et psychologique, je ne sais pas. Alors, ce qui m'a aussi intéressé, je vais finir là-dessus parce que j'ai peur d'être trop long, et puis pour voir aussi un peu comment. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres qui, au fond, évidemment, les chiffres bruts n'ont aucun sens, ou très peu. C'est toujours situer les contextes. Alors, par exemple, sociologique, bon, par opposition à social, qui est très utilisé dans des contextes très différents, réforme sociale, lutte sociale, contrat social, psychologie sociale, évidemment, réforme sociale, je l'ai dit. Alors, sociologique, c'est toujours utilisé pour désigner une approche scientifique qui peut se mêler avec d'autres approches. Alors, bon, je peux citer psychosociologique, hypnotisme sociologique, section de psychologie sociologique, chaire de psychologie sociologique, puisque Tarde a failli être élu à une chaire de psychologie sociologique au Collège de France, c'est intéressant, qui finalement était une chaire de philosophie moderne. Mais, pour lui, il enseignait la psychologie sociologique. Donc, toujours utilisé pour désigner une approche scientifique qui peut se mêler avec d'autres approches, bon, et dont le caractère autonome, néanmoins, est toujours revendiqué. Alors, les termes avec lesquels sociologique est en co-occurrence ou forme colocation désignent une activité scientifique particulière, ses procédures, moyens ou conditions. Donc, on a études sociologiques, travaux sociologiques, travail sociologique, observation sociologique, recherche sociologique, objet sociologique, terrain sociologique, domaine sociologique, point de vue sociologique. C'est toujours avec ce genre de termes que l'adjectif sociologique est en colocation. Ou bien les résultats de la recherche scientifique, doctrine sociologique, théorie sociologique, loi sociologique, idée sociologique, bibliothèque sociologique, etc. Sociologique apparaît aussi dans deux titres d'ouvrages dans mon corpus. Bon. Et même quand les colocations lexicales sont plus surprenantes, par exemple « tournée sociologique » ou « salut sociologique », il est fait référence à la sociologie comme science en cours de formation. Donc Mauss introduit, par exemple, Marcel Mauss introduit auprès de Tarde, un jeune savant belge, je cite, qui en tournée sociologique mène une enquête sur l'histoire de la sociologie et souhaite rencontrer les grands noms de cette discipline naissante. L'expression « document sociologique », alors ça, c'est finalement la colocation la plus déconnectée, d'une certaine manière, du travail scientifique que symbolise cet adjectif sociologique, mais en fait, pas vraiment. L'expression « document sociologique » est utilisée par un correspondant de Tarde, un type complètement oublié, qui s'appelait Gustavo Tosti, qui était en gros son porte-parole aux États-Unis, mais qui n'avait pas de statut universitaire et qui était consul d'Italie à New York, bon. Mais qui a écrit plusieurs articles dans des revues universitaires américaines pour défendre Tarde. Alors, il parle de documents sociologiques pour qualifier l'affaire Dreyfus. Donc, ça montre finalement cette appellation que tout phénomène social peut dorénavant être l'objet d'une étude objective. Voilà. Bon, je pense que j'étais un petit peu long. Je vais m'arrêter là. C'était assez brouillon et bon, assez. Voilà, mais c'est un peu pour vous donner une idée de voilà comment on travaille dans le domaine de l'histoire des sciences humaines et sociales quand on choisit comme axe de recherche ces grandes notions directrices. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va avoir trois quarts d'heure à peu près de questions. Donc, je vous laisse la parole. J'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est quand tu as évoqué le fait que pour toi, le régime conceptuel des sciences sociales se fonde sur une sorte de socle contre-intuitif, si j'ai bien compris. Et tu dis que finalement ça va obliger ou ça a obligé la philosophie à se doter d'un régime conceptuel propre et singulier. Pour autant, comment tu gères du coup le problème de décalage chronologique à ce niveau-là, au sens où la philosophie précède en tant que discipline la formation des sciences sociales et donc la formation d'un régime conceptuel des sciences sociales. Donc j'imagine, je n'ose croire que tu n'aies pas réfléchi à ça, et donc à mon avis tu fais la distinction entre des formes de régime conceptuel philosophique qui ont varié, dont l'un qui se serait créé en réaction j'imagine par rapport à celui des sciences sociales. Donc ça c'est ma première question. Comment ça à laquelle tu as quasiment répondu. Mais... Bon. Et la deuxième question, c'est sur l'idée de la trichotomie biologique, psychologique, sociologique, puisqu'il y a un ordre, d'après ce que j'ai compris. C'est quid de l'histoire ? Parce que je comprends la manière dont dont ça s'articule. D'un autre côté, la plupart penseurs, des auteurs de sciences sociales, d'ailleurs, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne à la fin du 19e siècle, se posent beaucoup de questions de la relation qu'ils vont avoir ou non avec l'histoire telle qu'elle est organisée en tant que discipline à cette époque-là. Donc est-ce que c'est quelque chose de différent ou est-ce que ça trouve une place et qu'est-ce qu'on peut en faire. Si on lit par exemple la première préface de Durkheim aux règles de la méthode sociologique, il me semble évident que ces deux principaux adversaires disciplinaires, c'est la psychologie d'un côté et l'histoire de l'autre, en tant que discipline individualiste, telle qu'il les voit. Donc voilà, comment est-ce que ça trouve une place par rapport à ton entreprise ? Alors pour l'histoire. Ces grandes notions sont présentes de manière centrale chez un auteur, par exemple, comme Paul Lacombe, sur lequel j'ai beaucoup bossé. C'est une sous-section de la première partie. Alors, ce qui est intéressant chez les historiens... alors, c'est vrai que les historiens de la sociologie, de la psychologie, on a souvent du mal avec l'histoire de l'histoire. Il y avait un débat, là, récemment, sur un grand projet... l'histoire des sciences humaines et sociales, il y a toutes les disciplines sauf l'histoire qui est représentée. Et c'est vrai, et j'en discute souvent avec Johan Heilbronn qui a écrit un très beau livre sur Naissance de la sociologie. Comment t'appréhendes l'histoire ? On a toujours du mal avec l'histoire comme discipline. Alors, si tu veux, l'école des annales, l'œuvre de Fèvre s'inscrit complètement dans un espace de dialogue entre ces disciplines-là, vraiment. C'est quelqu'un qui dialogue avec Vallon, c'est quelqu'un qui cherche une articulation de cet ordre-là, mais la grande supériorité des historiens, à mon sens, c'est la dimension historique. C'est-à-dire que la manière la plus simple de penser l'articulation entre ces différentes dimensions d'existence humaine, c'est de le prendre sur la longue durée. Et c'est ce que fait Elias, d'ailleurs, dans le processus de civilisation. Pourquoi il est si convaincant d'une certaine manière ? C'est d'abord parce qu'il a de bonnes sources, des sources qui permettent de montrer que les normes de comportement, de pudeur, qui sont forcément liées à une structure différente de l'appareil psychique, en termes de contrôle de soi, en termes de capacité d'autocontrainte. Donc il a de très bonnes sources qui montrent ça. Et il a eu l'intuition de relier ces sources et l'évolution... de ces sources qui sont des traités de civilité, donc les traités de civilité et changent, se modifient. Alors après, est-ce qu'il faut les prendre au pied de la lettre ? Est-ce que c'est toujours la question de savoir pour les historiens, est-ce que des normes édictées sont véritablement respectées ? Mais néanmoins, ça c'est le signe d'une évolution. Bon. Quand on interdit tel type de comportement puis qu'on n'interdit plus, on peut imaginer qu'il est rentré, que cette interdiction est rentrée dans les mœurs et qu'il n'y a plus besoin d'affirmer une forme de contrainte extérieure pour pousser les gens à se comporter de telle ou telle manière. Donc, il le fait sur la longue durée. Et il relie évidemment cette évolution de la personnalité humaine telle qu'elle peut se lire à travers cette source-là, qui est celle des traités de civilité, à l'évolution de la structure des sociétés et des formes du pouvoir et de l'État. Bon. Donc il a un schéma qui permet de répondre à cette question-là. Et c'est toute la réception d'Elias par les historiens des annales dans les années 70 correspond à ça, à cet enjeu intellectuel sous-jacent. Mais les historiens n'ont pas besoin, j'ai l'impression, de le poser en tant que tel. Beaucoup moins besoin que des disciplines comme la sociologie ou la psychologie. Parce que finalement, grâce à la longue durée, à l'histoire, à la reconstitution des évolutions, le problème théorique est moins fondamental. Mais il est quand même important, et moi j'avais montré dans mon cas sur Elias, qu'il y avait deux grands pôles de réception chez les historiens qui s'inscrivaient dans la tradition des annales. Un pôle qui mettait plus l'accent sur le biologique, qui était le pôle de l'anthropologie historique à la Burguière, qui lui dit, écrit texto, l'histoire c'est comprendre la mise en forme sociale du biologique. Il utilise ces notions-là. Et puis il y avait un pôle plus socioculturel, donc qui tient plus à distance cette dimension-là. Alors il faut dire que Burguière, comme il travaille sur la famille, il était plus sensible. Donc il y avait un enjeu sous-jacent que j'essayais de mettre en valeur dans ma thèse et qui s'inscrit et que l'on peut comprendre si l'on s'attache à montrer qu'il y a une sorte d'infrastructure à trois pôles, d'une certaine manière, qui détermine le travail des différentes sciences humaines et sociales. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu directement à ta question. Alors, le rapport des Durkheimiens à l'histoire, effectivement, il est assez stratégique. Il y a des textes quand même assez incroyables de Boublet. On se sert de ces disciplines. Voilà. Et stratégiquement, l'histoire est ramenée du côté du pôle de l'individu. Et idem pour la psychologie. C'est complexe, j'ai pas encore suffisamment travaillé pour bien comprendre ce qui se joue. Mais ce qui est drôle, c'est que ce pôle de l'individuel, il va aussi être endossé par les historiens, par exemple. C'est Novos, bien sûr. Qui véritablement va non seulement l'endosser, mais d'un autre côté, dire aussi que l'histoire est une science sociale. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment assez étonnant. On est au tournant du 20e siècle. Et c'est vrai que c'est des textes qui sont maintenant relativement peu connus, mais qui ont été un petit peu réhabilités. Il y a eu un petit mouvement de réhabilitation de Seignobos. Oui, par Antoine Pro, notamment. Et Noiriel aussi, un petit peu. Ouais. Bah, si, quand même, dans... je ne sais plus où, mais je suis sûr qu'il... comment s'appelle son bouquin Qu'est-ce que l'histoire ouais. Ou la crise de l'histoire. Ah oui, la crise de l'histoire. Là, il réhabilite Seignobos quand même de manière... presque polémique par rapport aux annales. Mais sans même parler de réhabilitation, je veux dire, l'existence même de ce type de débat et le fait de suivre un peu ce type de débat, est quelque chose qui est quand même allait... Bien sûr. Non, ça, on est d'accord. Mais qui est intéressant, parce que là, on voit que la polarité individu-société renvoie à un usage stratégique. Oui. Hein, vraiment. J'ai plus travaillé, si tu veux, le rapport à la psychologie des Durkheimiens à la psychologie, mais avec l'histoire aussi, je l'ai fait, mais de manière un peu plus périphérique. Mais oui, ce qui est frappant, c'est le fait que l'histoire est ramenée au pôle de l'individu. Alors contre ça, combat un mec comme Henri Behr. J'ai beaucoup lu, parce que je trouve que c'est un auteur peu lu et intéressant, Paul Lacombe, je trouve vraiment, lui, a des prises de position qui sont très originales et qui visent à sortir un peu de ces schémas-là. Et de proposer des schémas alternatifs, notamment à travers la critique de l'œuvre de Taine. C'est quand même, je trouve, très, très, très intéressant. Alors, sur la philosophie, ça, c'est vraiment la vraie difficulté avec laquelle je me débat depuis très longtemps. Je pense que la philosophie, c'est un art de la guerre idéologique, je provoque un, mais vraiment, qui a un problème... de position par rapport à la science depuis très très longtemps, depuis Descartes, on va dire. Et si tu veux, ce qu'il me semble, c'est qu'à partir du moment parce que j'ai beaucoup lu sur... j'essaie de lire ce qu'il y a, ce qui existe comme travaux Là, il y a une thèse récente qui a été soutenue par Pierre Vesperini sur la notion de psychologie, de philosophie, pardon, à l'époque romaine. Et c'est très intéressant ce qu'il fait. Lui, il fait vraiment un travail d'historicisation des concepts pour cette période-là. Pour les périodes d'après, c'est complexe. Il y a quelques-uns qui le font, qui parfois sont honnêtes. Mais si tu veux, il y a une sorte de représentation idéologique de la longue durée de la philosophie. Mais dans les faits, ça ne correspond pas du tout à ce qu'est... par exemple, quand on présente Descartes comme le philosophe qui, finalement, donne aux sciences une méthode, c'est complètement faux. C'est quelqu'un qui réhabilite complètement la métaphysique. C'est idem, exactement idem. Il faut lire. Parce que je ne suis pas un grand connaisseur de philosophie, parce que on n'est pas compétent en tout, mais par contre, j'essaie de lire les bons historiens de la philosophie. Et par exemple, l'un des grands historiens de Kant, Gérard Lebrun, qui est vraiment jubilatoire, il a écrit un bouquin qui s'appelle Kant sans le kantisme. Et il fait une analyse des prises de position de Kant par rapport à Hume. Et alors, Kant qui fait un peu la leçon, et il explique en fait que Kant ne fait que défendre la métaphysique, ne fait que défendre la théologie. Donc, mon analyse, c'est qu'à partir du moment où... Alors, le paradoxe, c'est que, dans la constitution d'une tradition philosophique, c'est que le moment dans l'histoire où le mot philosophe a été le plus utilisé, c'est une période de l'histoire, de la pensée, qui est complètement mise de côté du corpus de la tradition philosophique. C'est les Lumières. C'est Voltaire, c'est Montesquieu, c'est Rousseau. Le mot philosophie, le mot philosophe n'a jamais été aussi utilisé. Mais eux, ce qu'ils ont fait d'Alembert, eux, ce qu'ils ont fait... Et à mon avis, là où il y a une véritable rupture, c'est qu'ils ont ambitionné un projet de connaissance générale qui exclut totalement la question du divin, du religieux. Et à partir du moment où on pose l'ambition d'une connaissance générale des êtres humains, de la nature, qui doit exclure par principe la question du divin, du religieux, on sort de ce qu'était la philosophie, qui est fondamentalement liée à un cadre religieux, métaphysique. Et finalement, la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui comme discipline, c'est une réhabilitation de la métaphysique sous différentes formes, qui d'ailleurs par moments se disent anti-métaphysique ou post-métaphysique, peu importe, qui s'inscrit en rupture par rapport à ce qu'est devenu ce qu'ont été les projets de connaissance. Ça deviendra des disciplines. Les disciplines des sciences humaines et sociales sortent de pour ce qui est de la France en tout cas de la philosophie des Lumières d'une certaine manière, mais qui n'est plus la philosophie. D'une sécularisation du savoir et du principe qui est posé que on doit comprendre les processus en tant que tels. Et on ne pose plus la question du surnaturel, du divin. C'est des questions qui sont mises de côté. Donc on s'en remet à la science. Bon. Et la philosophie qui reste fondamentalement liée à un mode d'argumentation religieux et théologique, elle est obsédée par la question de la science et elle se situe toujours par rapport à la science où elle en pose les fondements ou elle en pose un au-delà. Pour moi, la philosophie, c'est fondamental. Enfin, j'espère ne pas passer pour un adversaire de la philosophie, mais c'est comme ça que j'essaie d'historiciser les trucs. C'est une rhétorique de l'en-deçà et de l'au-delà. On pose les fondements. Alors, le régime conceptuel qui se met vraiment en place à partir de la fin du XIXe siècle, l'un des moments importants, c'est Husserl, la phénologie. C'est évidemment Heidegger, l'ontologie. La métaphysique qui arrive en France, on a une tradition philosophique qui paraît ridicule par rapport à la tradition allemande, mais qui a aussi cette obsession-là du contrôle. Donc on a toute la tradition de Lachelier, Brunswick. Alors on investit beaucoup dans l'histoire de la science. Même l'épistémologie, pour moi, c'est un terme, c'est un concept qui est très intéressant à étudier parce que c'est finalement le concept, le terme, l'appellation qui trace une sorte de pont entre ces deux régimes conceptuels séparés de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Puis cette approche aussi permet de comprendre que finalement le régime conceptuel des sciences humaines et sociales, il est indépendant à la fois de la philosophie et du régime conceptuel propre des sciences physiques. Et Il y a des personnages comme ça intermédiaires qui sont intéressants. Je travaille beaucoup sur un type comme Dick Tye. Alors cette opposition science explicative, science compréhensive, science de la nature, science de l'esprit, finalement, c'est vraiment des débats qui sont typiques d'une phase de transition où on ne voit pas que le régime conceptuel des sciences humaines et sociales, il rompt radicalement autant avec la philosophie qu'avec les types d'explications des sciences physiques et des sciences de la nature. On est dans des types d'explications qui sont différents, qui ont fondamentalement comme fonction d'interpréter, de comprendre les processus. Et c'est là où, à mon avis, on est dans du contre-intuitif. Et ça tient à la forme du langage européen, avec cette tendance à former des substantifs. Elias a beaucoup de réflexions là-dessus, sur la question du langage. Mais comprendre les processus, à tort ou à raison, j'ai l'impression que c'est contre-intuitif. C'est pas quelque chose... Penser en termes de flux et pas en termes d'état figé ou de manière statique, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, Elias, il utilise toujours une expression, il dit toujours « il faut désapprendre avant d'apprendre ». C'est obsessionnel. Il faut désapprendre avant d'apprendre. Et c'est un thème qu'on voit dans certains travaux de sciences cognitives. Par exemple, je pense à Steven Pinker, qui a écrit un bouquin... le fonctionnement de l'esprit, je crois que ça s'appelle. Et il dit, oui, pour comprendre la science physique, pour comprendre la biologie darwinienne, on doit d'abord se débarrasser de notre biologie spontanée ou de notre physique spontanée. Alors, voilà, ça va dans le sens de ce sentiment que j'ai qu'on est dans des sciences qui sont fondamentalement contre-intuitives. Bon, j'étais un peu long. Là. Voilà. Oui, qui est aussi une généalogie, mais qui est toujours... Oui, pardon. Oui. À quel moment, historiquement, contextuellement, ça se coupe, c'est de penser, outre l'idée psychanalytique d'un dualisme qui serait bien antérieur. Mm-hmm. Et ma deuxième question, c'est sur l'idée même de sociologie. Vous dites que ça marque une science, donc principalement la science académique, mais vous avez dit que c'est un terme à la mode avant. J'aimerais savoir avant combien de temps. Oui, on est dans un espace de temps très court. Et à la mode, où et dans quel contexte? Bien sûr. Ça, c'est... Et ma troisième question qui est hors sujet. Mais s'il y a d'autres questions plus intéressantes, on... c'est par rapport à Elias. Je me demande. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas l'enseignement, mais je me demande est-ce que Elias ne s'est pas intéressé à Jung par rapport à. Son rapport à la psychanalyse, moi je trouve qu'il y a beaucoup de points clés. Plutôt Jung, pourquoi il est resté du côté de Freud? Ça, c'est une question personnelle. Est-ce qu'on prend d'autres questions ou je réponds direct? Moi j'avais une autre question complémentaire qui est... en fait, je voulais savoir comment on définit un corpus quand on se dit je vais étudier le couple individu-société. Comment vous avez choisi vos sources et comment on construit un corpus à partir de ça? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour le corpus, il y a d'abord les sources imprimées. Bon, donc le dictionnaire, ça ne suffit pas, mais enfin, quand même, c'est utile. Les dictionnaires anciens et tous les dictionnaires. Les travaux qui permettent de contextualiser l'histoire des dictionnaires, c'est très utile aussi. Parce que ça nous renseigne sur qui les produit, donc quels sont leurs intérêts sociaux. Ça c'est vraiment un truc, c'est la base. Pour individu société, j'ai vraiment puisé dans beaucoup de textes qui ont été publiés entre milieu 18e siècle, milieu 20e siècle. Alors là, je vais répondre du coup à la question individu société. Ça se connecte vraiment aux alentours de la Révolution française. Et puis, c'est un thème qui va devenir de plus en plus important politiquement tout au long du XIXe siècle. Et donc, c'est un thème qui est traité de manière sur un mode politique. C'est comme la question de l'individualisme, la question du socialisme. Mais la question d'individu-société est traitée aussi en tant que telle par des auteurs qui ne sont pas forcément des universitaires, mais qui ont une ambition. Par exemple, il y a des auteurs comme ça qui sont incontournables. C'est un corpus, voilà. Eugène Fournier, par exemple, qui était un socialiste jaurassien plutôt. Il y a des travaux c'est Philippe Chagnal qui a introduit Essai sur l'individualisme. Est-ce que c'est sur l'individualisme? Je ne sais pas. Enfin, c'est un titre dans ce genre-là, quoi, qui est un livre qui est sorti en 1902 ou 1903, qui a été réédité au bord de l'eau là récemment avec une longue préface de Chagnal. Voilà, donc il y a des textes qui sont importants, des auteurs qui sont importants, qui sont incontournables. Donc ça, c'est quand on fait une sémantique historique, on essaie de puiser à droite à gauche. Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est vraiment d'utiliser les fonds d'archives. Alors ça, c'est aussi le hasard des fonds d'archives qui s'avèrent intéressants, riches. Les auteurs ne sont pas choisis non plus complètement par hasard, par exemple. Et puis les fonds recèlent des sources qui sont différentes, d'ordre différent. Par exemple, je travaillais sur le fond d'un type qui voulait mettre en place la psychosociologie dans les années 20, les années 30. C'était un type qui s'appelle Duprat, qui est complètement oublié aujourd'hui, hein. Guillaume Léonce Duprat, qui était formé par Durkheim à Bordeaux. C'était un peu le rival de Mauss, dont le drame a été de ne pas réussir à l'agrégation de philosophie. Bon, c'était quand même important. Qui n'a pas eu de poste, puis qui a enseigné à Genève, et puis qui a essayé de mettre en place la psychologie sociale. Alors lui, dans ses archives, il n'y a presque pas de correspondance. Par contre, il y a des notes de travail, des notes de cours, des fiches mémotechniques, et notamment, par exemple, des fiches intitulées « La société des individus », fin 19e, début 20e. Et donc on voit finalement que ces grandes catégories-là, elles structurent aussi l'enseignement. Et elles structurent, donc j'essaie de montrer comment elles sont diffusées, comment finalement les auteurs travaillent les concepts et travaillent avec les concepts. J'essaie de faire ça. Bon, le Fontarde, bah, on a une correspondance qui est géniale parce que on y a accès très facilement, donc je peux tout regarder, donc toutes les lettres ont été bien conservées. Donc là, ce sont les lettres qui sont adressées à Tarde. Donc là, j'ai un corpus qui me permet de comprendre. Parce que j'ai évidemment choisi privilégier les lettres, parce qu'il y en a énormément, mais j'ai toutes lues, mais j'ai pris en note celles qui concernaient l'œuvre de Tarde, sa réception, ou qui traitaient de ces questions-là. Bon, parce qu'il peut être en correspondance avec des gens à l'époque où il était magistrat pour des questions de piston, pour avoir un poste à tel ou tel endroit, ou bien pour des questions familiales. Bon, évidemment, ça, j'ai pas fait toutes les lettres ne me servent pas à essayer de hiérarchiser les concepts, ça n'a pas de sens. Mais ce qui a du sens, c'est de comparer philosophie par rapport à psychologie, sociologie par rapport à sociologie, de voir les co-occurrences, les contextes, et d'objectiver tout ça. Là, je pense qu'on peut faire un travail qui est relativement rigoureux, scientifique, parce qu'on a un vrai bon corpus. Que j'étais exhaustif dans mes choix de lettres, enfin déjà dans la lecture des lettres et puis dans les choix, j'étais une certaine cohérence, si tu veux, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, pas prendre que les lettres qui parlent de sociologie, pas qui parlent de philosophie, par exemple, ça n'aurait pas de sens. Donc, dès qu'il est question de science, de production scientifique, dès qu'il est question de l'émergence d'un nouveau langage, parce que le début de mon chapitre, c'est un de ses amis, de vieil ami, qui lui écrit texto, on ne se comprend plus. On ne parle plus la même langue. Et vous parlez un langage sociologique. Là, on comprend qu'il se joue quelque chose. Et qu'effectivement, il y a une mode, si tu veux, qui précède, quand je parle de mode, c'est un usage du terme sociologie qui précède l'existence de la discipline en tant que telle. Et cette mode, sur un laps de temps relativement court, elle est assez, assez forte. On peut l'objectiver à travers les titres d'ouvrages. Il y a une thèse qui a été faite qui est très bien de Sébastien Mossman d'Attention qui lui a justement juste regardé les titres de livres et puis dit voilà, bon, à un moment donné ça prend. Bon, ça c'est limite aussi comme démarche, mais enfin au moins il y a un début d'objectivation. Quand on va ensuite dans les textes, dans les revues, des rubriques, par exemple, je travaille énormément sur la rubrique dans les revues littéraires. On a des rubriques de sciences sociales, des rubriques. Donc on a le spécialiste de sociologie qui, alors quand il parle des travaux de sociologie, Bah, c'est très divers, hein. C'est des essais très divers, certains ont un penchant très religieux. Donc il y a un usage sociologique qui est très large et qui ne correspond pas encore à un usage qui est celui d'une discipline. Voilà, c'est un terme qui fait sens parce qu'il donne le sentiment, l'illusion peut-être, de maîtriser des processus qu'on ne contrôle pas. Voilà. Le terme sociologie, il apparaît à ce moment-là. Avant, la psychologie, d'une certaine manière, a un petit peu joué ce rôle-là. Et d'ailleurs, il y a un texte de Tard, une préface, je crois, à Études de psychologie sociale, qui est un recueil de textes de 1898, il dit « Sociologie succède à psychologie dans l'intérêt du grand public ». Donc voilà, c'est une sorte de mode. Voilà, c'est pas un synonyme de social. Ça s'inscrit dans le même espace conceptuel. La sociologie, c'est la capacité de comprendre le social. D'objectiver le social, d'en avoir une maîtrise. Parce que social, c'est effectivement un terme très vaste, énormément utilisé. Alors, j'ai lu un texte de Maurice Tournier, j'étais assez surpris parce que j'aurais été quasiment sûr que c'était l'un des termes les plus utilisés dans le discours politique fin 19e siècle. Mais bon, social n'est pas parmi les 10 termes les plus courants du vocabulaire sociopolitique des années 1890-1900, je n'ai plus les dates, mais enfin, il a fait tout un travail énorme là-dessus. Mais enfin, c'est quand même l'un des plus utilisés, la question sociale est très présente. Et sociologie donne le sentiment, mais c'est très vague. Par exemple, un type comme Charles Maurras, qui était un monarchiste, etc., dans une correspondance, il hésitait entre le mot socialisme et le mot sociologie pour... définir, voilà, même le mot socialisme, il est pas encore totalement circonscrit à un usage strictement politique. Socialisme, sociologie, ça renvoie à une même ambition de contrôle. Les discours sur sociologie, quand c'est politique, c'est surtout en ce qui concerne les débats socialistes. Bah, c'est la question sociale, oui, donc c'est l'émergence de la question ouvrière, urbanisation, voilà, c'est ça, c'est en ça que l'histoire des concepts n'est évidemment pas dissociable de l'histoire des sociétés. C'est l'urbanisation, on est obsédé par les questions de morale, le terme de morale aussi est intéressant. Donc c'est le sentiment d'un changement fondamental, profond des structures de la société. Avec des termes pas très fixés. Voilà, chez Peggy, on le voit bien. Ouais, ouais. Peggy, au tournant du siècle, utilise aussi sociologie bien dans sûr. Un sens qui n'est pas du bien tout sûr. Celui qu'on bien utilise sûr. Maintenant. Bien sûr. Et l'utilise dans un sens, c'est pratiquement tout ce qui est social, donc c'est presque tout ce qui est humain, d'une certaine façon. Donc c'est quand même extraordinairement labile. Et dans les usages américains ou britanniques de sociologie, qui sont même souvent assez largement antérieurs dans la grande diffusion, ils sont antérieurs aux usages français véritables. Il y a des cours de sociologie aux États-Unis bien avant qu'il n'y ait des cours de sociologie en France. Oui, au niveau des cours. Véritablement. Et ça, ils sont nommés comme ça, et ça, il y a une correspondance, ensuite un contenu qui est tout à fait clair, et que ce soit chez Spencer, ou que ce soit chez les premiers qui vont écrire des manuels de sociologie, le sens est encore très, très peu fixé. Tout ça va se faire progressivement, de manière assez largement transnationale, d'ailleurs. Bien sûr, c'est comme totalement transnational. Comme tu le disais, c'est ça aussi qui est très... très intéressant. Les sens ne sont pas du tout les, bien sûr. Pas du tout les mêmes. Et quand je disais psychologie sociale, à cette époque-là, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, on appelle la psychologie sociale comme discipline. C'est une sorte d'idéal cognitif que tout le monde partage. Parce que sociologie, psychologie, chez Spencer, enfin, il travaille aussi bien sur la psychologie que sur la sociologie. Ce sont des termes directeurs, ce sont des termes qui donnent le sentiment d'un contrôle et d'une capacité d'objectivation de l'existence humaine sous ses différentes dimensions. Et comme c'est très organiciste encore, très souvent, de surcroît, donc la dimension également biologique est très très présente à ce niveau-là. Hein. La métaphore organique est quand même très souvent très forte. Alors, la question de la métaphore... Il y a Quint Griot là-dessus, notamment. Ouais, mais la question organique, elle est complexe, parce que si on lit le bouquin de Blanquert aussi... La nature de la société, il montre bien que, et moi je l'ai vu, alors là j'ai une correspondance qui est toute une sous-section de mon chapitre sur Tard, entre Tard et vraiment le grand théoricien de l'organicisme à la fin du 19e, qui s'appelait Jacques Novikov, qui est complètement oublié aujourd'hui. Et on se rend compte que les désaccords sur des termes n'allaient pas forcément de pair avec un désaccord sur les concepts. Et ça rejoint ce que montre en partie... ce que je veux dire, c'est que la notion d'organicisme ne s'opposait pas forcément à l'idée d'une spécificité d'effets sociaux. Non, tu vois, mais c'est pas forcément un réductionnisme. On refuse l'idée que le social doit être pensable, doit se penser en tant que phénomène sui generis. Et c'est très complexe cette notion. C'est la raison pour laquelle, je pense aussi, c'est une volonté de contrôle ici, le sentiment d'une illusion de contrôle. Mais c'est aussi lié à l'idée de qu'est-ce qu'une science, et si on veut savoir l'existence d'une science, il faut utiliser ou il faut montrer la proximité avec des sciences qui sont d'ores et déjà, sont d'ores et déjà reconnues. Donc les figures de l'organisation se ressemblent. Mais se ressembler, ça veut dire que c'est la même chose. Bien sûr, oui. Guillaume montre même Durkheim, il fait usage de cette métaphore. Chez Spencer, c'est très fort. Chez Spencer, oui, non. C'est vraiment très fort. Bien sûr. Alors, ouais, l'inventeur du mot, c'est Comte. Après, oui, mais celui qui l'investit académiquement, c'est Durkheim, c'est clair, bien sûr. Mais ça prend du temps. C'est pas l'apparition de Durkheim qui fait que pendant longtemps il utilise science sociale. Le terme n'est pas vraiment pas fondamentalement. Il investit dans sociologie avec cette espèce de paradoxe ou enfin de tautologie. Cette obsession, il faut faire de la sociologie sociologiquement. Il faut et ça c'est effectivement c'est quelque chose qui s'oppose à ce que tout le monde perçoit comme une exigence de connaissance qui suppose des outils conceptuels quand même plus subtils que ça. Et cette idée-là qu'il faut faire de la sociologie sociologiquement, quasiment tous les Durkheimiens sont contre. Et dans les correspondances, alors ça aussi, c'est l'usage du corpus, il y a des correspondances, par exemple, entre Célestin Bouclé et Paul Lapie. Alors, une petite partie a été publiée, alors c'est marrant parce que c'est totalement... C'est totalement biaisé. On a aussi une histoire qui est biaisée. C'est-à-dire que le mec qui a publié une partie de la correspondance, dès qu'il voyait Durkheim, il a sélectionné, puis il a publié après, et tout le reste est évacué. Mais en fait, ils sont tous convaincus qu'il y a un idéal qui est plutôt celui de la psychologie sociale. Il faut articuler différentes dimensions d'existence humaine, et ce n'est pas un seul concept qui permettra de le faire. Et ce n'est pas une seule méthode qui permettra de le faire. Et c'est ça aussi un des paradoxes de cette histoire-là, c'est qu'il y a une sorte de contradiction entre un idéal cognitif qui est pluridimensionnel, qui est une exigence d'institutionnalisation des disciplinaires qui va faire en sorte que les concepts vont s'institutionnaliser par rapport à un objet extrêmement circonscrit. Et c'est ça toute la difficulté finalement de cette histoire-là, parce qu'on a des logiques d'institutionnalisation disciplinaire pure, et puis on a des logiques entre guillemets plus scientifique, plus cognitive, même si les disciplines sont évidemment faites pour produire de la connaissance, mais quand même, on a une sorte de tension. Et là, on le voit bien. Justement, on le voit dans ces moments-là, on le voit vraiment bien dans les moments où la question de l'institutionnalisation, des conditions, des possibilités de l'institutionnalisation des disciplines se pose. Mais c'est vrai, tu as raison, du point de vue de la réussite, il y a très très peu de chaires qui sont créées En France, très très peu. En France, il y en a très très peu. Très peu. L'un des premiers cours de sociologie sur le territoire français, c'est en fait le cours de Zimmel à Strasbourg. Oui, mais au moment où Strasbourg n'est plus français. Oui. En 17, je crois. Zimmel. Oui, mais il a été élu à l'université. Mais bon, Strasbourg était allemand. Il était élu à l'université de Strasbourg. Oui, une chaire de sociologie à l'université de Strasbourg. C'est vrai. C'est son premier poste. Ouais, son premier poste fixe. Et il est mort juste après, le pauvre. Non, mais sinon, je crois que Durkheim, quand il arrive à la Sorbonne, il a un cours. Oui, il a un cours de sociologie, mais. Sociologie, mais c'est très rare. Oui, c'est très rare. Espinas avait une chaire à Bordeaux. Il y avait très très peu de. Après, il y avait des cours qui étaient donnés dans des institutions comme l'école des hautes études sociales ou le collège. Donc il y avait beaucoup de. En fait, il y avait beaucoup d'institutions qui donnaient des cours de sociologie, mais qui étaient des institutions privées. Mais dans l'université, ça a mis, c'est une institutionnalisation qui est très, très faible, en fait. Très faible. Mais par contre, le mot sociologie et l'ambition qu'il porte, et l'idée d'une connaissance sui generis des faits sociaux, là, pour le coup, elle est très forte à la fin du XIXe siècle. Très, très forte. Est-ce que j'ai répondu aux trois questions? Peut-être pas Elias sur Jung. Je pense pas qu'il est. Non, mais c'est. Bon, il était objectivement dans des cercles freudiens. Et je crois pas qu'il ait beaucoup lu Jung. Et je pense que la dimension mystique de Jung, ça devait pas être sa tasse de thé. Mais j'aime bien Jung aussi. L'archétype. Ouais. Par exemple, la notion de collectivité, de conscience collective. Enfin, elle est très discutable quand même, parce que. Elle est pas historicisée, Jung, il est intéressant dans ce qu'il a produit chez Fellini, pour moi. Bon. Ce Fellini, c'est vraiment le cinéaste jungien par excellence. Les films de Fellini, c'est Jung. Vraiment. Mais non, je pense que c'était pas du tout son truc. Et il se définissait, Elias, comme un freudien. Très pris par le champ allemand aussi. Oui, enfin, il aurait pu. Il y avait quand même des Jungiens en Allemagne, mais là où il était situé à Francfort, il y avait des Freudiens, et ensuite il était proche en Angleterre des anafreudiens, donc il était vraiment dans des milieux. Lui, au niveau de la pratique, il était très orthodoxe. Hein. Après, au niveau de la théorie, il faisait une sorte de synthèse de la sociologie, de la psychanalyse qui était assez libre, mais je crois que c'est un auteur qu'il n'a pas vraiment dû approfondir, dû lire. Du point de vue de sa conception de ce que devait être une cure psychanalytique, oui. D'accord. Ah, il était plutôt orthodoxe. D'après ce que j'en comprends dans les correspondances, et il avait une conception assez, classique. Il n'y a pas dans votre livre de venir Elias l'idée du groupe analytique. Oui, parce oui, que oui. C'est pas du tout orthodoxe. Non, mais oui. Alors ça, c'est encore autre chose. Là, on est dans l'analyse de groupe. C'est un à côté de. Mais je veux dire, dans sa conception de ce que devait être le rapport entre quelqu'un qui fait faire une cure et son analyste, il était plutôt orthodoxe. Voilà. Après, des séances longues. Après, pour lui, l'analyse de groupe, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Effectivement, il a participé à ça. Et du coup, il a fréquenté Freud? Non, parce que Freud est mort en 39, et puis il lui a envoyé son livre, Freud accusé réception. Il y a une carte d'ailleurs de Freud dans les archives de Diaz, mais il n'a jamais eu l'occasion de le connaître. Par contre, il fréquentait les anafreudiens, donc les proches de la fille de Freud, Anna Freud. Son analyste était une anafreudienne, Kate Freelander, c'était quelqu'un de formidable, mais qui est mort prématurément. Elle est morte prématurément. C'était vraiment le bras droit, je ne sais pas comment on peut dire en féminin, la bras droit. Et il a fini son analyse. Non. Il n'a pas fini son analyse. Parce qu'elle est morte. Elle est morte. Ça peut se finir. Non, mais. J'avais un collègue qui l'a fini, imaginons qu'un ancien collègue était psychologue. Non, mais le problème. Il dansait une valse avec sa thérapeute. Et là, il lui a dit votre analyse est finie. J'en doute, mais. Oui, c'est. Non, je rigole. Non, il a arrêté quand son analyste est décédé. Ça a énormément choqué parce que. Il revivait le traumatisme de la mort de ses parents. Mais bon. Et puis, après, il a tenté de faire une analyse avec S.H. Fuchs, qui était celui qui mettait en place l'analyse de groupe, mais il la concevait comme une analyse didactique, et Fuchs, non. Donc, un malentendu, la correspondance, elle est terrible. Je lui fais vraiment des allusions au public. Il y avait une emprise, de tentative d'emprise de Fuchs sur Elias qui a été un peu malsaine. Voilà. Ben, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin. La prochaine séance, c'est le 22 mai, il me semble. Si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est Ramzi Khoshoyan qui vient nous parler de la trajectoire de Gramsci. Voilà. C'est ça. Gramsci, une pensée devenue monde. Voilà. Et Gramsci, c'est un auteur qui est intéressant du point de vue de l'histoire du concept aussi. Ses cahiers de prison, ils sont fascinants. Fascinants. Ben, merci. Merci.